Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Pour les forestiers, Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99% en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 88-276-1316. Victoire hier des Raptors de Toronto, 118-109 contre les Warriors de Golden State pour le premier match de cette finale NBA. On en parle avec table ronde aujourd'hui avec nos deux collaborateurs de basket. D'abord, Pascal Jobin. Salut, Pascal. Salut, Danny. Et évidemment, vous l'entendez depuis le début des séries à Dan Radio Sport, Charles Dubré. L'instructeur des 905, les Raptors, le filiale des Raptors. Salut Charles. Salut Danny. Charles, si on va commencer avec toi parce que tu es à Toronto, tu es sur place. L'ambiance est c'est fou, raide, hein? Oui, ben la ville est complètement aux couleurs des Raptors en ce moment, au slogan We the North partout. Puis tu le sens avant les matchs, pendant, après, que c'est vraiment quelque chose de particulier en ce moment qui se passe à Toronto, donc on essaie d'en profiter au maximum. OK. Pascal, es-tu surpris d'avoir les Raptors l'emporter 118-109? Moi, j'ai été un peu surpris. Non, je dirais que non, parce que avec ce qui s'est passé, avec le côté, je dirais, pas mal défensif qu'on a développé, surtout contre les Bucks, faut pas oublier que les Warriors, il y a eu un 10 jours d'inactivité. Où tu peux pas te permettre de faire des 5 contre 5 parce que tu vas blesser personne. Fait que je pense que le momentum était vraiment du côté de Toronto après de très bonnes séries. Puis je pense qu'on a vu une équipe des Warriors un petit peu rouillée, mais sans rien arriver à Toronto. Défensivement, là, c'était phénoménal ce qu'ils ont fait hier. On a vu ce qu'ils ont fait contre Milwaukee, mais hier, il était vraiment là, il était top hier. Et, c'était difficile pour les joueurs qui s'appelaient pas Curry ou Klay Thompson d'avoir un bon look au panier. OK. Moi, ce que j'aime, Charles, puis on en a parlé, je pense, avec toi aussi, plus ça va, plus les joueurs, le soutien ou encore le banc et les autres joueurs s'améliorent. Hein. Soyons honnêtes, là, contre les 76ers, c'est Kyrie Leonard qui a battu tout le monde, mais là, qui a battu les 76ers. Mais là, contre Milwaukee, on a vu élever des Kyle Lowry, on a vu élever également Norman Powell, on a vu élever des Van Vliet également. Là, hier, encore une fois, 21 points hier. C'est ça qui est le fun. On dirait que plus ça va, plus l'équipe s'améliore. Oui, je pense que l'équipe, elle progresse. Les joueurs individuellement, je ne dirais pas qu'eux progressent parce que c'est plus qu'eux, ils étaient déjà à ce niveau-là, mais en série, la compétition est tellement élevée. Je pense que j'ouvrirai une petite parenthèse là-dessus. Les playoffs de la conférence de l'Est nous ont vraiment bien préparés pour la finale parce qu'on a affronté successivement Orlando, qui était la meilleure défense de NBA depuis le mois de février. Ensuite, on a affronté Philadelphie, que quand cette équipe-là est vraiment active, t'as Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler, qui sont trois des probablement des 15 meilleurs défenseurs de la NBA. Puis ensuite, t'affrontes Milwaukee, qui a eu la meilleure défensive de la NBA cette année, avec Antetokounmpo, qui est en nomination pour joueur défensif de l'année. Donc, moi, à chaque série, je trouvais que c'était dur d'avoir des tirs ouverts, des positions de lancer qui étaient intéressantes. Puis maintenant, tu arrives en finale contre les Warriors, qui sont une bonne défense eux aussi, mais qui, statistiquement, c'est la moins bonne défense des quatre qu'on a affronté en playoff. Puis il sent même une impression que, ben, tiens, il y a moins de longueur sur le terrain, il y a moins de grands. Je veux dire, les Bucks, ils sont tellement grands avec Antetokounmpo, avec Brook Lopez, puis tout ça. Donc, c'était compliqué d'avoir des bons tirs. Puis là, on en a plein. On en a profité hier. Après, la qualité individuelle des joueurs qu'on a, Fred VanVleet, on sait que c'est un bon joueur. On sait ce que Norman Powell est capable de faire. Ce que Danny Green, tu sais, pour moi, c'est pas une surprise que, tiens, Danny Green mette trois shots de trois points. Oui, il était dans une petite période down, mais quand il était en finale avec les Spurs en 2013, il a fait de battre le record de la NBA pour les trois points finales. Donc, ces joueurs-là, ils ont ce niveau-là. C'est juste que on n'a pas eu toute l'année non plus pour se préparer. Puis ça, en NBA, t'as pas le temps de pratiquer beaucoup parce que tu joues 82 games, puis une journée, t'es à Chicago. Après, tu prends l'avion, tu t'en vas à New York. Fait que quand tu fais un gros échange comme celui de Kawhi, Danny Green, puis qu'après ça, en plein milieu de l'année, tu laisses aller des pièces majeures comme Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles pour avoir Marc Gasol, puis t'as quasiment pas d'entraînement pour les intégrer, donc tes entraînements, c'est tes matchs. Puis ce qu'on voit dans les playoffs pour moi en ce moment, c'est que ben, les Raptors, ils deviennent meilleurs à chaque ronde parce que ils ont un peu plus d'expérience, puis ils se comprennent un petit peu mieux sur le terrain offensivement puis défensivement. Pascal, on avait dit en début de série que ce serait l'offensive contre la défensive. L'offensive des Warriors, c'est la meilleure équipe, le meilleur 5 partant. Est-ce que le meilleur 5 partant est toi? Contre la défensive, la meilleure défensive des Raptors. Et demain, il faut s'attendre à quoi maintenant? Ben, tu l'as mentionné, je dirais que les Warriors, la meilleure défensive, il manque quand même un 32-33 points là, avec Kevin Durant. Et aussi, quand que Charles a parlé de grandeur à comparer avec les Bucks, Kevin Durant, c'est un gars presque de 7 pieds, quand même, qui peut donner une il n'est pas reconnu comme un super joueur défensif, mais il a une présence défensive. Fait que c'est quand même quelqu'un d'important, surtout dans une série contre les Raptors. À quoi s'attendre demain? Écoute, je m'attends à ce que les Warriors soient un petit peu plus, moi je pourrais dire, sharp. Ouais. Là, ils ont un match, mais je pense que Toronto a vraiment le vent dans les voiles pour eux. Oh, absolument, je pense que... Puis demain, c'est un match, pour moi, crucial. Charles, tu vas me le dire, parce que c'est toujours... On en parle souvent. Tant que tu n'as pas gagné sur la route, c'est une chance de gagner. Il ne faut pas oublier que la beauté de la saison des Raptors, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain. Tu ne peux pas se permettre de perdre à la maison et tu es champion NBA si tu te permets de ne pas perdre à la maison. Oui, ouais, c'est ça. Puis on s'est battu pour aussi en fin de saison parce que les Bucks avaient quoi 3-4, peut-être à un moment donné, peut-être 5 matchs d'avance sur nous. Puis je veux dire, à un moment donné, avec 20 matchs à jouer, Milwaukee, ils n'ont jamais perdu 3 matchs de suite cette année. Puis je pense que deux fois, c'est arrivé. Deux matchs de suite, c'est arrivé une fois. Fait qu'on savait à un moment donné assez tôt qu'on rattraperait pas les Bucks, mais même dans les derniers matchs d'année, moi je me suis même fait dire par quelqu'un, un journaliste qui me disait ouais mais là il y a plus rien à jouer, j'ai dit non, il reste une chose à jouer, puis nous on le prend au sérieux. Je l'ai vraiment dit comme ça, j'ai dit c'est l'avantage du terrain contre les Warriors si jamais on les joue en finale NBA. Ouais. Puis là ça s'avère payant parce que ça fait très longtemps qu'on sait qu'on allait être deuxième dans l'Est, mais on était vraiment à la lutte avec eux autres, puis là on a l'avantage de commencer chez nous. Mais comme t'as dit Pascal, je pense que le match 2 va être vraiment crucial parce que en fonction de la tournure que ça prend, le match 1, bon, tu mènes 1-0, t'as fait la job, mais bon, si tu perds le match 2, c'est 1-1, ça s'en va à Golden State, t'es forcé de gagner là-bas, sinon c'est 3-1. Ouais. Puis à 3-1, t'es contre une équipe comme ça, t'es quasiment mort. Par contre, si tu mènes 2-0 et tu t'en vas là-bas, le message que tu passes, c'est que là, les boys, il va falloir vous nous battiez 4 fois en 5 games si vous voulez être champion NBA. Et puis les Raptors, comme ils jouent en ce moment, pour n'importe qui, c'est pas facile de les battre 4 fois en 5 matchs. Donc, moi, c'est là toute l'importance du match 2. Puis comme tu dis, les Warriors vont être une version, à mon avis, un peu plus proche d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment le match crucial pour les Raptors. Pour l'instant, ça va être le match numéro 2. Hey, Pascal ou Charles, je vais parler avec Charles. J'ai écouté un podcast de RDS hier, tu sais, du centre-ville. Je pense que tu participes de temps à autre avec Mathieu Jolivet. Hier, il disait que les Raptors, les Warriors, t'es une meilleure équipe sans Kevin Durant. Tu es d'accord avec ça? C'est un débat où les gens NBA sont assez partagés. J'ai envie de te dire, c'est une équipe différente sans Kevin Durant. Ouais. Meilleure, moi, mon opinion personnelle, non. Je pense pas qu'ils sont meilleurs. Je pense qu'ils peuvent avoir l'air meilleurs contre des équipes un petit peu plus faibles. Puis quand je dis un peu plus faible, je veux pas dire nécessairement faible, mais dans le sens, des équipes comme Portland, Portland en finale de conférence, Portland n'avait plus de jus du tout. Il manque, c'est déjà extraordinaire de s'être rendu là sans leur troisième meilleur joueur, qui est Nurkic. Mais tu sentais que Damian Lillard commençait à avoir tout donné. Donc, c'était compliqué pour Portland. Malgré tout, ils ont fait des bons matchs. Mais les Golden State, leur style de jeu, si ils affrontent pas une équipe élite défensive, leur mouvement de ballon, leur mouvement de joueur, les lectures qu'ils font sur les écrans, si tu te présentes pas assez sur les shooters, ils shootent, si tu te présentes trop, il y a le gars qui slip au panier, ils vont lui donner la balle. Fait que, tu sais, c'est tellement compliqué de les jouer. Par contre, quand soudainement c'est les Raptors, je pense que ça aurait été la même chose si ça avait été les Bucks ou les Sixers par exemple, c'est que là la défense peut t'enlever beaucoup de ces actions-là, puis là t'es obligé d'avoir ton closer qui finit tes possessions avec des situations d'un contre un. Puis leur closer, c'est Kevin Durant. Ouais. Donc, quand ils ont Durant, quand ils n'ont pas réussi à te jouer à la mode Warriors, ils sont mieux quand ils ont Durant, parce que Durant peut finir les possessions mieux que n'importe qui d'autre, probablement dans la NBA. Mais quand ils n'ont pas nécessairement besoin de se rendre là, ils ont probablement de l'air meilleur, parce que là, ils peuvent jouer leur style Warriors. OK. Toi, Pascal, es-tu d'accord avec ça? Je suis à 100% d'accord avec Charles. Pour moi, ils sont pas meilleurs sans Kevin Durant. Ils sont différents. Ouais. Avec Kevin Durant, ils sont presque intouchables. Sans Kevin Durant, ils sont pas loin de là. On a vu les Toronto gagner ce premier match-là. Mais comme tu as dit, je pense qu'on a 300 passes par match avec Kevin Durant, puis on en a comme 330 lorsqu'il est absent. Fait que le ballon bouge beaucoup plus. Mais à la fin de la journée, puis Charles, tu es d'accord avec moi, comment... Mais tu es entraîneur-chef, puis tu es un joueur qui est capable de marquer facilement. On voit même avec les Raptors, souvent, le ballon il est dominé par Kawhi Leonard sur certaines possessions parce qu'on sait qu'il va mettre dedans. Kevin Durant ralentit un peu le style des Warriors, mais écoute, on a vu contre les Clippers, il a carrément closé contre les Clippers, là, il les a tués. Mm-hmm. Je pense que Kevin Durant, si Kevin Durant aurait été absent dans la série des Clippers, ça aurait peut-être été une autre histoire. Ouais. Mais pour moi, Kevin Durant fait que les Warriors... ou assure presque un championnat NBA, et dans son absence, faut en profiter du côté de Toronto, là, on prend tous les avantages de notre côté, mais ils sont pas, selon moi, ils sont pas meilleurs sans Kevin Durant. Mais là, si ce que vous me dites là, par exemple, est-ce que Kevin Durant, s'il revient à peu près à 50, 60, 70%, dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux de le laisser là? Ou d'attendre? Ben, ouais. Déjà, tout ce qui est santé sur lui, pour nous en ce moment, c'est spéculatif parce que ouais. Personne sait exactement il en est à combien de pourcents. Tu sais, comme même DeMarcus Cousins, que je voyais hier, il est à combien de pourcents. Mm. Parce que déjà, tu as le côté, tu es à combien de pourcents de ta blessure, mais tu es à combien de pourcents aussi de ton ce qu'on appelle en basket ta game shape. Ouais. Là, c'est le fait de d'aller à la vitesse que ça va, puis c'est ça le challenge. Puis nous, on en a un joueur blessé qui est au OG Anunoby en ce moment, qui potentiellement pourrait revenir et être utile pour nous, mais OG Anunoby, il n'a pas joué un match depuis 2 mois, puis là, la commande que tu lui donnes, c'est que tu reviens de blessure contre peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Tu sais, avec la plus grosse pression que tu peux pas avoir, qui est une finale NBA, donc c'est pas la même chose que de revenir d'un mois et demi d'absence en saison régulière. Puis tu peux faire 2-3 matchs contre des équipes un peu plus faibles avec du temps de jeu contrôlé. C'est touchy pour dans le cas de Cousins comme dans le cas de Kevin Durant, mais Durant, comme Kawhi il l'a dit, c'est le genre de gars qui peut mettre 30 points dans son sommeil. Là, t'sais, fait que même 75% de Kevin Durant, ça reste quand même peut-être le deuxième meilleur joueur des Warriors derrière Steph Curry. Puis s'il est à 100%, ben c'est peut-être le meilleur joueur au monde. Là. Effectivement. Donc ça va être intéressant à suivre demain. Pascal, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, peut-être? Après, non, je suis d'accord. Je vais juste mentionner que s'il revient jouer, parce que sa blessure est presque à 100% guérie. Mm. Comme Charles le disait, au niveau basket, c'est une autre histoire. Puis de Marcus Cousins, c'est aussi différent au niveau de son conditionnement, au niveau de plein de choses. Mais Durant, d'après moi, s'il revient, sa blessure est presque à 100%. Puis comme Charles l'a dit, moi, je pense qu'il va probablement être à 80%. Puis 80%, c'est quand même quelque chose à surveiller. C'est un match extrêmement important demain des boys, hein, parce que même ça, les Warriors, eux, leur objectif, c'est d'aller en chez une à Toronto, puis par la suite, quasiment finir ça. Puis, mais demain, si tu te ramasses... Après demain, oui, c'est ça. Oui, après demain. Dimanche, là. Donc, les Warriors, la mission, c'est d'aller chez deux matchs, dans le fond, là. Un match à Toronto, puis si jamais ils reviennent ça, tu t'en vas au clown après ça. Ça va être difficile pour les Raptors. Oui, c'est sûr. Puis tu te mets la pression sur les épaules parce que ton c'est ça le ce qui est particulier avec l'avantage du terrain, le fameux avantage du terrain dont on parle dans tous les sports, c'est que tu passes 82 games, tu passes 6-7 mois à le gagner, puis tu le perds en 2 heures. Non, mais c'est exactement ça. Puis les Raptors ont montré contre les Bucks, justement, ils viennent de jouer le tour à une autre équipe, c'est-à-dire que les Bucks, après 2 matchs, ils semblent être en business, ils venaient de donner une bonne volée aux Raptors dans le match numéro 2, mais les Raptors, eux, sont restés confiants parce qu'ils disaient, bon, en réalité, on sort d'une série dont on est fatigué, on perd le premier match qu'on aurait peut-être dû gagner, ça, c'était la vraie déception, mais au final, tu dis, bon, ben, t'as juste perdu sa route, maintenant, faut que tu protèges ton terrain. Puis les Warriors, s'ils perdent le match 2, ils vont aller à Oakland avec l'idée, ben, on protège notre terrain, puis on retourne à Toronto 2-2, puis on rend ça une petite série 2-3 pour finir. Mais les Raptors, c'est pour ça que je dis que la pression, en réalité, pour moi, est encore plus sur les Raptors que les Warriors, parce que les Warriors, eux, ils savent qu'ils peuvent niveler les chances chez eux, alors que Toronto, tu sais que si c'est 1-1, potentiellement, tu viens de te mettre beaucoup de pression d'aller gagner au moins un des deux matchs à Oakland. OK. En terminant, Pascal, je veux changer un peu de sujet. Je vais en parler avec Pascal par la suite, Charles. Je veux avoir ton opinion. Pascal, on en a parlé beaucoup. On a fait un moment donné, on en parlait quasiment toutes nos chroniques. Là, le Québec est rendu basket. Je trouve ça extraordinaire. Mais il y a beaucoup de monde qui disent ouais, mais c'est parce que les Raptors sont là. Mais à quelque part, ça prend quelque chose pour intéresser le monde. Moi, je viens de faire des commentaires sur les médias sociaux. Si j'aime le tennis, c'est à cause de Eugénie Bouchard. Si j'aime la course automobile, c'est à cause de Jacques Villeneuve. Si je suis le UFC, c'est GSP. Ça prend un incitatif. T'es-tu d'accord avec moi? Ben, c'est sûr que au niveau des médias, ce que Toronto fait en ce moment, il réveille tous les médias. T'es d'accord avec moi, Charles? Il y a des médias qui n'osent pas en parler, OK? Puis moi, je sais qu'en ce moment, il y a des médias qui n'ont pas le choix de parler du basket, mais ils veulent pas en parler nécessairement, là. Puis je pourrais donner des exemples, parce que ça fait quoi, une dizaine d'années que j'étais avec les médias locales. Ils n'ont pas le choix d'en parler. Tu comprends, Danny, ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, je pense que quand même, du monde de basket, Charles, il sait, moi, je le sais, les fans, le monde est là. Maintenant, la beauté du basketball, Danny, puis je t'ai déjà mentionné, on est capable, le basketball, la NBA va chercher des gens qui sont intéressé, mais plus ou moins. Mais quand il y a une situation comme on le voit en ce moment, c'est pour ça que tu as des codes d'écoute, soit en français, soit en anglais, c'est brisé, là, c'est RDS 340 000. On bat des records, là, tu sais. RDS 340 000, là, des pics dans le match numéro 6. C'est numéro 6 contre les Bucks de Milwaukee. C'est 340 000, c'est aussi fort. Non, c'est ça. Le RDS touche en ce moment, parce que là, je collabore avec eux depuis plusieurs matchs. Puis, c'est des chiffres qui sont, en général, réservés seulement aux Canadiens. Puis encore, parce que ce qu'ils font en ce moment, c'est même mieux que ce que certains matchs des Canadiens de Montréal. Puis là, c'est sans compter, comme je te dis, si tu touches 340 000 à RDS, faut pas oublier qu'il y a quand même une énorme partie des gens au Québec qui suit ça depuis des années à ABC ou à TNT ou à ESPN. Puis avec l'avènement du streaming depuis quelques années, t'as des gens. Fait que tu sais, t'es pas loin, à mon avis, t'es pas loin d'avoir 1 million de personnes qui de près ou de loin suivent ces matchs-là au Québec. Puis là où je te rejoins, Pascal, c'est que c'est vrai que c'est pas dans les habitudes des principaux médias de couvrir le basket autant. Mais pour moi, c'est à tort, parce que le basket est pas bien représenté par rapport à combien de gens ça intéresse. J'ai trouvé ça assez dommage, malheureusement, mais tant mieux s'il y a une performance comme celle des Raptors en ce moment qui réveille les gens un peu, puis qui réveille les médias, parce que, je veux dire, parler, quand on est rendu au mois de mai, puis qu'on parle de la pointure de chaussures de Carey Price ou de ces choses-là, je veux dire, j'ai rien contre le hockey personnellement, mais à un moment donné, je trouve que ça devient tellement pas intéressant par rapport à plein de choses intéressantes qui se passent dans d'autres sports comme le basket. Fait que tant mieux s'il y a quelque chose qui rééquilibre un peu les choses, puis qui dit, ben, la société de 2019 est différente, est plus multiculturelle. Et oui, les Canadiens de Montréal, c'est une institution au Québec, puis on touche pas à ça, mais il reste que la population, de plus en plus, elle s'intéresse à d'autres choses, puis entre autres au basket. Ben, effectivement. Messieurs, très intéressant, on va reparler ça la semaine prochaine. Pascal Jobin et Charles Dubé-Brac.